les actionnaires sont unanimes. Il nous faut plus de A, il nous faut plus de A. Les actionnaires l'ont vérifié. Si tu as une crête, c'est le succès assuré. Sur le marché allemand, sur le marché allemand, sur le marché allemand, sur le marché allemand. Déo. Il faut des morceaux plus longs et une jolie pochette, et une jolie pochette, et une jolie pochette, et une jolie pochette. Prochain morceau s'appelle 21 novembre, entièrement rédigé à partir de titres du West France. Soutien-gorge à 2 millions d'euros. Les pêcheurs passent au travers des mailles du filet. Mais si c'était la faute du soleil, pas celle des hommes. Fin de cavale. Le sang, le cerveau, le Mussolini surimé. Le roi qu'est-il devenu, le piqué, le bourgeois. Mais si c'était la faute du soleil, pas celle des hommes. Fin de cavale, retour à la case, disons. Le sang, le cerveau, le Mussolini surimé. Le roi qu'est-il devenu, une musique, le bourgeois. Mais si c'était la faute du soleil, pas celle des hommes. Retour à la case bison. La case bison. La case bison. Oh oh oh oh. 21 novembre. Le sang, le cerveau, une Mussolini surimé. Le rock est devenu une musique de bourgeois. Mais si c'est la faute du soleil, pas celle des hommes. 20 camades. Retour à la case bison. La fierté de ses parents.